Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième saison du Nouvel Explorateur avec Corentin sur Radio Fadjet. Nous sommes le mardi 24 septembre et il est 21h. Cette fois-ci, le fonctionnement de l'émission sera différent. Il y aura une émission toutes les deux semaines. L'aire géographique étudiée sera restreinte à la région des Balkans. Vous savez, en Europe du Sud-Est, il y aura à chaque fois un paramètre par pays et par émission. C'est-à-dire que l'on étudiera la démographie des pays tels que la Croatie, le Kosovo, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Il y aura 4 tours pour les 5 pays étudiés. Il y aura 20 émissions en tout. On commence tout de suite par la Croatie et sa capitale dans cette émission. Tout de suite, la première musique de l'émission, c'est Nedeljko Bajić Baja pour Sastanak sa Srećkom sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. U ovo vreme, kad čovek vuk je čoveku, pronađi mene. Prima svoju osegu lažu kad kažu da ljubav nosi nevolje. Ti znaš da ljubiš, a ja da čutim najbolje. Ne znam samo što se krijemo kada je sve ko suza čisto. To bi se razlika u godinama ako srca kucaju isto. Bez tebe ko u mraku besruje. Stavi na rukvice, obuj štikle, da se svaki korak čuje. Spakuj stvari pa na glavni izlaz. Reci svima gde si pošla, na sastanak sa srećom dobrodošla. Na sastanak sa srećom dobrodošla, dobrodošla. Čoveku pronađi mene. Ko prima svoju osegu lažu kad kažu da ljubav ima kratak vek. Jer dok me ljubiš za večnu mladost imam lek. Ne znam samo što se krijemo kada je sve ko suza čisto. To bi se razlika u godinama ako srca kucaju isto. Ili mi dođi ili da ti dođem, bez tebe ko u mraku besruje. Stavi na rukvice, obuj štikle, da se svaki korak čuje. Spakuj stvari pa na glavni izlaz. Reci svima gde si pošla, na sastanak sa srećom dobrodošla. Na sastanak sa srećom dobrodošla, dobrodošla. Bez tebe ko u mraku besruje. Stavi na rukvice, obuj štikle, da se svaki korak čuje. Spakuj stvari pa na glavni izlaz. Reci svima gde si pošla, na sastanak sa srećom dobrodošla. Ili dođi ili da ti dođem. Bez tebe ko u mraku besruje. Stavi na rukvice, obuj štikle, da se svaki korak čuje. Spakuj stvari pa na glavni izlaz. Reci svima gde gde si pošla, na sastanak sa srećom, dobrodošla. Na sastanak sa srećom, dobrodošla, dobrodošla. C'était Nedeljko Magic Bazar pour Sastana Sastrichom, sur du Fudget dans le Nouvel Explorateur. En avant pour la seconde musique de l'émission, nous verrons quelle est la capitale croate ensuite. Je vous donne trois propositions. La capitale croate, est-ce que c'est Podgorica, Zagreb ou Belgrade? En avant pour la seconde musique qui est Svetionik de Nedeljko Magic Bazar. Encore. Tebe jedina. jer moja ljubav živeće i kad sve drugo nestane i kad mi srce kucati prestane. Posvetio mi kod važni sam protiv lošeg vremena, značiš da stojim i da se borim samo za tebe jedina. Za tebe jedina. C'était Jvetsionik de Nedeljko Pajic Baja sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur avec l'animateur Radio Corentin. C'est moi. La capitale croate n'est ni Belgrade, ni Podgorica, mais bien et bien Zagreb. Zagreb, nous allons voir ce qu'elle possède tout de suite. Zagreb est la capitale de Croatie, située au nord entre le mont Medvednica, 1035 mètres, et la rivière Sava. Oui, et vous ? Zagreb a été le centre culturel du pays depuis le Moyen-Âge et elle continue à être une destination excellente du point de vue culturel, artistique, monumental. Une belle ville à taille humaine, aussi intéressante que Dubrovnik ou Split, qui sont deux autres villes sur le littoral croate. Zagreb est idéal pour un city break ou un court séjour, ou pour s'arrêter quelques jours de passage sur la côte adriatique. Zagreb est une ville vraiment calme et vibrante en même temps, pleine de vie avec des charmes qu'il faut découvrir petit à petit en oubliant le temps. De tourismecroatie.com. Bon, maintenant on va voir les monuments qu'il y a dans cette ville. Pour les monuments qu'il y a dans cette ville, on continue encore avec tourismecroatie.fr. Zagreb conserve de magnifiques monuments médiévaux, portes fortifiées, tours, murs d'enceinte, édifices religieux, mais surtout une belle architecture du 19e siècle, des bâtiments hérités de l'Empire austro-hongrois, de style romantique. Zagreb, ville haute, vieille ville, elle est incontournable. C'est la place de Samar, cœur névralgique de la ville de Zagreb. Vous pouvez admirer des splendides de monuments, l'église de Samar, le palais de Banc, qui abrite le Parlement. Ce qui nous attire le plus de l'église Samar, Sveti Marko, et son toit de tuiles vernissées polychromes, avec un blason qui représente l'unification des royaumes de Croatie, Dalmatie et Slavonie, et les armoiries de Zagreb, château blanc sur fond rouge. Franchement, allez voir la photo sur le site, c'est vraiment très beau. Admirez également son beau clocher à bulbe. L'église de Samar fut construite au XIIIe siècle dans le style roman, mais fut modifiée au XVe siècle en intégrant des éléments gothiques et au XIXe siècle, où fut posé le magnifique toit de tuiles vernissées. Face à l'église Samar, vous trouverez le buste de Matija Gubek, le paysan croate qui fut chef d'un soulèvement de paysans réprimés en 1537. Ensuite, le Parlement croate, dans la même place où se trouve l'église Samar, vous trouverez le Parlement croate, un élégant bâtiment, le palais des Banc, qui abrite le gouvernement croate et le parlement. Dans les environs, on peut trouver plusieurs musées et boutiques. En avant pour la tour Lošaršak, c'est l'un des vestiges des fortifications qui protégeaient la ville de Zagreb au XIIIe siècle. C'est la tour médiévale la mieux conservée de la ville. C'est une tour carrée, blanche, qui faisait partie des fortifications de la ville de Gradec. Dans la tour, il y a un canon, et chaque jour depuis un siècle, on peut entendre un coup de canon tiré à midi pile. La tour Lošaršak de Zagreb vous offre une magnifique vue à 360 degrés sur la ville. En avant pour deux monuments de la ville basse de Zagreb, il y a la place Banjelašić. La place Banjelašić, Trg Banjelašića, c'est le cœur de la ville de Zagreb, une magnifique place avec la statue équestre de Josip Jelašić qui accueille les événements annuels. Le dernier monument de la ville de Zagreb que nous allons voir, c'est le Théâtre National Croate, l'Opéra de Zagreb. Ce superbe bâtiment de la fin du 19e siècle vous laissera sans mots par sa splendeur. Il a été construit à l'époque où Zagreb faisait partie de l'Empire austro-hongrois dans un style néo-baroque et continue à être l'Opéra de Zagreb. Des ballets et des opéras y sont régulièrement organisés. Tout de suite, la troisième et dernière musique de l'émission, c'est Ogledalo Streche de Nedeljko Pajic Baja, encore sur du Fadjet dans le Nouvel Explorateur avec Quentin. Thank you. lice pati što nema skuplje i veće, a nije, nije svaki osmeh ogledalo sreće. Nita, one su ni da podnesu ruke pune, a sve i malo, a meni, meni je jedino iskreno do tebe stalo. Nek se nikad ne naplati, ti me činiš, ti me činiš bogatim. C'était Nilidico Bajik Baja pour Ogledalo Sreche sur du Fadjet dans le Nouvel Explorateur avec l'animateur Corentin. C'est la fin de l'émission, on se retrouve le mardi 1er octobre pour la suite de la série. Ça sera sur la capitale du Kosovo que l'on étudiera. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et bam bam bam boum, à la prochaine.